Dans ce monde sombre et cruel, elle pense à des rêves irréels. Avec de l'or entre ses mains, doucement elle peint ses rêves lointains. La vie réserve de drôles de surprises, sans pitié, avec des tristes dérives qui peuvent parfois changer nos destins. Alors, elle peint pour moins de chagrin. Doucement, elle peint le cœur serein. Même si un jour la terre arrêterait de tourner, si l'amour à tout jamais disparaîtrait, dans son âme il aura subsisté, car sur son tableau tout renaît. Toutes tes émotions, tous tes sentiments, avec une très grande sagesse, tu les transmets sur un tableau blanc. Et puis, tu peins, c'est ton destin. Doucement elle peint, c'est ton chemin. Grâce à toi, tout devient magique, une vie vraiment fantastique, une artiste absolument unique. Le cœur léger, elle nous invite. Dans ce monde sombre et cruel, elle pense à des rêves irréels. Avec de l'or entre ses mains, doucement elle peint ses rêves lointains. Elle peint sans peine, cette chanson est la tienne.